Eh bien, salut à toutes, salut à tous, Serge en votre compagnie pour les 60 minutes à venir sur l'antenne de Fadjet. Je vous souhaite la bienvenue dans Coup de cœur et je piaffe d'impatience de vous retrouver aujourd'hui en particulier, car nous allons inaugurer un nouveau format de notre émission qui nous permettra de partager avec vous un classement des hits coup de cœur du moment. Je vous donne le principe, il est tout à fait simple. Nous écouterons chaque premier jeudi du mois un hit parade de 15 chansons actuelles qui ont retenu notre attention et qui sont bien sûr dans l'esprit de nos rendez-vous de coup de cœur chaque jeudi. Les autres jeudis du mois seront bien sûr consacrés à nos émissions habituelles avec le coup de projecteur sur un artiste chaque semaine, son environnement musical également, et puis également parsemé de quelques nouveautés à vous faire découvrir. Alors on va commencer ce premier hit parade, c'est l'émission numéro 132 de Coup de cœur, soit dit en passant, par le 15e de ce classement. Il s'agit de Laisse aller, un titre extrait du nouvel album de Claudio Capeo. Alors cet album n'est encore pas sorti, il sortira en fin d'année. Elle me dit dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Post-café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout fout le camp sur notre terre. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller. Au resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête. Depuis qu'elle m'a quitté, là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée, dans mon salon c'est le bordel. Faut que je range, mais j'ai ni la force ni le manuel. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller. Qu'on se le dise quand ça ne va pas. Et si j'oublie, rappelle-moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Allez, bienvenue à vous dans cette nouvelle aventure de Coup de cœur, un classement des chansons qu'on aime en ce moment, des nouveautés. Et en 14e position maintenant, on peut dire qu'avec son premier album Traîtrise, qui mêlait des influences allant de la chanson française au rap, en passant par la pop anglo-saxonne, Lazara, c'est d'elle dont il s'agit, qui raffole de l'esthétique des vamps des années 50, espérait conquérir le public français. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Je vous propose d'écouter LVQM, elle vous en dit plus et on en reparle juste après. Lazara. Hit parade numéro 14. Il avait de l'argent et beaucoup d'entre gens. Il est venu comme dans un rêve. Dans ma situation précaire, il m'a dit t'es belle, tu me fais marrer, reste avec moi. Je te promets, je vais tout donner. Cendrillon, on peut bien se rhabiller. La cargaison est bien passée. J'ai des nouveaux m'avoir plaqué. Je regarde couleur saphir. Passant par Montréal, ils ont le rêve sans frontières, marchant de sable et de poussière. La liberté n'est pas donnée et l'amour n'est plus dans le pré. L'appartement est déjà vide, je donne le chien à la voisine, je passe mes journées à le chercher, j'ouvre la télé pour le trouver. Le temps de lui dire que je l'aime, prends la route vers d'autres poèmes. On peut dire que ce titre de Lazara est totalement différent de « Tu t'en iras » comme nous l'a si bien répété pendant des mois. Est-ce qu'il l'a fait vraiment connaître, ce qui était un carton durant les 6 mois qui viennent de s'écouler. Alors la 13e place maintenant de notre classement, elle est occupée par un chanteur périgourdin. Changer, c'est une ballade remplie de mélancolie et d'espoir, très probablement le titre le plus personnel de Tibbs, vous l'aviez certainement reconnu. On l'écoute tout de suite. Je voudrais changer de vie depuis que je suis plus dans la tienne. Je voudrais changer d'amis, qu'on arrête de me parler de toi. Changer de ville et de gare, changer pour du nouveau. Changer de rue et de bar, changer, changer de ligne de métro. Oublier nos habitudes, oublier le verre de trop. Changer de couleur de peau, changer, changer pour la solitude. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Changer mon nom sur Insta, chanter cette chanson dans un stade. Stopper la drogue et les frasques, changer pour être stable. Changer de tête et de corps, j'espère que tu m'écoutes encore en boucle. Changer de passeport, changer et choisir une autre route. Déchirer toutes ces pages et profiter du mois d'août pour rencontrer à la plage celle qui aimera jouer au foot avec moi. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Je veux changer. Réparer mes mains qui tremblent, de ne plus caresser tes jambes. Effacer toutes les séries que l'on regardait ensemble. Changer de style et de coupe, changer. J'en ai plus rien à foutre, je veux changer. Changer pour m'aimer tout court et changer pour t'aimer aussi, ouais. Jamais changer de famille et changer. Jamais changer ses amis et chanter. Mais juste changer de vie pour ne plus penser à toi. Dam ta da da da, changer. Dam ta da da da, changer. Dam ta da da da, changer. Je changer. Des hits et zéro pub, c'est aussi ça, Padgett. Allez, on monte tranquillement ce classement pour arriver, bien sûr, au trio de tête tout à l'heure. Alors le suivant, eh bien, c'est un titre lumineux et festif, on l'aime bien, placé sous le signe du lâcher-prise en quelque sorte. Ça a été coécrit par Nazim Khaled, issu de son album Ressources. C'est bien sûr de Amir dont je veux parler avec ce soir. Numéro 12. Ça vaut la peine juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir. On la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. On pourrait donner tort à la mélancolie, on pourrait donner raison à nos douces folies. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. On met des soleils dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir, on vit la vie en mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. À 38 ans, on peut dire que Guillaume Grand est un homme blessé, un peu amer, sans illusion sur ses congénères. Il occupe la 11e place de notre classement avec un extrait de son dernier album, Océan. Alors on oublie, on nous promet la magie, mais les parfums de l'envie sont plus forts que l'ennui. Apaiser ses chagrins dans un autre lit, tout collé, tout serré contre une toute autre vie. J'ai les mains devant l'océan, j'ai les yeux loin devant, posé sur des seins, comme un enfant malade, coupable obligé de soigner sa balade, en racontant du faux, en vantant ses malheurs, un ventre tout chaud, et brûlant de sueur. J'ai les mains devant l'océan, j'ai les yeux loin devant, j'ai les mains loin vers l'océan, j'ai les yeux loin devant. Inconnus, un goût tout nouveau, l'autre t'en veut plus. Posé sur des seins, comme un enfant malade, coupable obligé de soigner sa balade, en racontant du faux, en vantant ses malheurs, un ventre tout chaud et brûlant de sueur. J'ai les mains devant l'océan, j'ai les yeux loin devant, j'ai les mains loin vers l'océan, j'ai les yeux loin devant. Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. En 10e position, c'est Eros Ramazzotti avec son dernier titre Ama. Sachez quand même qu'il a à son actif plus de 60 millions de disques vendus à travers le monde. Direction l'Italie. Sidera l'hypothesis de non sentirse scavo de Nadia Hamas. Y decidir ya siempre tu vida en toda autonomía, sin dudar. Y sin preocuparse de juicios de la gente y de hipocresías, de rumores, comentarios, de la envidia que crece día a día. Empieza aquí la nueva historia. Mejor contigo, no eres tu enemigo. Ama como quieras, sea sin miedo en libertad. Porque ahora ya quizás lo entenderás. Los sentimientos no pueden encerrarse. Ama como quieras, que el amor te hace volar. Porque tú sabes bien, renacerás. De Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous inaugurons en quelque sorte cette nouvelle formule mensuelle de coup de cœur. Toutes les semaines, on se retrouvera, mais le premier jeudi de chaque mois, nous établirons un classement de 15 titres actuels des 8 coups de cœur, en quelque sorte, qui ont retenu toute notre attention et qui nous ont fait un petit peu plus palpiter que les autres. Le suivant, il est 9e. Peut-être qu'il va monter dans les mois à venir dans notre classement, ce ne serait pas étonnant. Les arbres se souviennent, c'est un extrait du dernier album de Florent Pagny. L'album s'appelle « L'avenir ». Que veux-tu, c'est dans ma nature. Chante-moi un bateau et je m'incline devant l'arbre haut sur sa colline. Lui qui a vu souvent des hommes qui ont des racines. Je n'ai pour Dieu et pour guide seulement. Seuls les arbres se souviennent. Je n'ai pour Dieu et pour guide seulement les vents qui décident. Car seuls les arbres se souviennent. Et tout est là, il y a les lilas, l'acacia. C'est la vie qui suit son cours. Tout meurt au gré des saisons. Mais beaucoup d'autres viendront. Tout refleurira un jour. Les plus belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Est-ce que les jeunes qui nous écoutent savent ce que veut dire PS ? Ça veut dire post-scriptum, mais c'était bien souvent dans les courriers écrits. Je ne pense pas qu'en internet ou en SMS, on mette souvent PS. PS, je t'aime, c'est le dernier titre de Christophe Willem. Sachez que son tout nouvel album qui s'appelle Panorama est sorti et qu'il sera en tournée à partir de 2023. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que J'espère que vous êtes bien installés pour découvrir ce classement de nos coups de cœur, de nos hits coups de cœur. Alors, la suivante, elle occupe la 7e place. Elle est née d'un père martiniquais et d'une mère normande. Il s'agit de Chaim et de son dernier titre. Ça s'appelle « Elle danse encore ». Et son vrai nom de Chaim, elle s'appelle en réalité Tamara. Don't Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Encore beaucoup de talent pour celle qui occupe la sixième place de notre classement, puisqu'il s'agit de Nolwenn Leroy avec sa chanson Brésil Finistère. Sachez qu'aux plages bretonnes, la chanteuse a préféré les Hauts-de-France pour enregistrer le clip de cette chanson écrite par Benjamin Biolay, puisque ça a été tourné tout simplement à Dunkerque. À aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors là, on arrive dans le dur, puisqu'on va passer aux 5 premiers de notre classement. Comment quoi vous dire, Valentin Brunel, c'est pas tellement vendeur, donc il s'est fait appeler Kungs. Il est disjockey, auteur, compositeur, musicien français. Il est né en 96 à Toulon, donc un petit jeune de 26 ans. Et bon, je vais vous inviter à taper dans vos mains pour l'accompagner dans son tube Clap Your Hands. Je vous rappelle qu'il est classé 5e. Everybody dance. C'est Onyx, c'est sympa, on aime dans le classement des coups de cœur Hit Parade. Je vous rappelle que ce classement n'est pas lié aux ventes de disques, n'est pas lié non plus au vote du public. C'est tout simplement nos émotions, nos coups de cœur pour les titres actuels, les nouveautés qui parfois passent un petit peu inaperçues, mais pas chez nous. Alors la quatrième position, elle est occupée par une grenade qui, dans la scène musicale française, s'appelle Clara Luciani et enchante les foules de son timbre grave, sensuel et envoûtant. Son dernier titre, c'est Amour toujours. Allez, ça s'arrête brutalement. Avant de vous révéler les trois premiers de notre premier classement, en fait, de Hit Parade Coup de cœur, on va faire un petit récapitulatif, si vous le voulez bien. Alors, en 15e position, c'est Claudio Capeo dans « Laisse aller ». Quatorzième position, Lazara, LVQM, « La vie qu'on mène ». En 13e position, c'est beaucoup plus calme, c'est Tibbs, Changer. Dam ta da da dam, changer. Dam ta da da dam, changer. Dam ta da da dam, changer. 12e position, un titre qui est très festif ce soir, Amir. Onzième position, Guillaume Grand, le même titre de l'album Océan. J'ai les mains devant l'océan, j'ai les yeux loin devant, j'ai les mains envers l'océan. On part en Italie pour la 10e position, retrouver Eros Ramazzotti, Ama. Miedo en libertad, porque ahora ya quizás lo entenderás. Los sentimientos no pueden encerrarse. Un habitué des hits à la 9e position, Florent Pagny, Les arbres se souviennent. Je n'ai pour Dieu et pour guide seulement les vents qui décident, car seuls les arbres se souviennent. Je n'ai pour Dieu et pour guide seulement. En 8e position, il est indémodable, c'est Christophe Willem, PS, je t'aime. Septième, elle danse encore, on espère qu'elle dansera encore longtemps, c'est Shaim. Une voix, un talent, de superbes yeux, Nolwenn Leroy, 6e avec Brésil Finistère. De l'ambiance à la 5e place, Kunz, Clap Your Hands. Et en 4e position, on vient de l'écouter, c'est un petit peu notre chouchoute à coup de cœur, Clara Luciani, Amour toujours. Alors maintenant, il s'agit de vous révéler le tiercé de tête, 3e position. C'est une habituée des hits depuis, je crois qu'elle a 60 ans de carrière. Elle sera à la salle Playel les 11 et 12 novembre exactement prochain. C'est Sheila, un extrait de son dernier album, rien que des très très très jolies chansons de la qualité. Ça s'appelle « Chaman ».